Nous sommes maintenant dans une étroite rue sans trottoir et trois paysans qui reviennent des champs s'avancent vers nous. Il y a Casimir, qui est aussi le gérant du cercle, Antonin et Barnabé. Ces trois hommes, ils te servent à rien. Ils sont juste au bord de ton pré. Alors qu'est-ce que ça peut te faire de les tailler? Au contraire, je te ferai des bois pour cet hiver. Oui, mais ces arbres, ils sont à moi. Ils sont chez moi. Je les taillerai si ça me fait plaisir. Après tout de même, quoi, tu vas pas m'obliger de couper les arbres qui sont chez moi? Ah oui, d'accord. Les arbres sont chez toi. Mais leur ombre est sur mon jardin. Parfaitement, ils sont mal placés, tes arbres. Ils sont juste au milieu de mon potager. Ce qui fait que toute l'année, et du matin au soir, cette ombre tombe sur mes légumes. Ouais. Il me mange mon soleil, tes arbres. Et on n'a pas le droit de manger le soleil de personne. Il n'a pas tort. Mmh. Écoute, Barnabé, ouais. C'est pas de ta faute, mais pour lui, tes ormeaux sont mal placés. C'est peut-être son jardin qui est mal placé. Ah. Enfin, si je me plaignais, moi, d'avoir des arbres superbes et de ne pas pouvoir me mettre à l'ombre de mes arbres parce qu'elles s'échappent chez lui. Enfin, l'ombre de ces arbres, elle est à moi, oui ou non? Mais oui qu'elle est à toi, et puisqu'elle est à toi, je te prie de la retirer de chez moi. Il le dit à sa façon, mais il n'a pas tort. Oui. J'ai compris. Il voudrait que je change le soleil de place. Il veut que tu tailles tes arbres. Il me semble que c'est son droit. Droit. Alors il a tous les droits. Mais non, j'ai pas tous les droits, mais j'ai le droit de vivre quand même, non? Tiens, Casimir. Oui. Cette année, j'ai fait des épinards géants. Eh bien, je voudrais que tu les vois, mon ami, les épinards géants. Ils sont pas géants du tout. Ils sont pas plus hauts que du cresson. Oui. Eh bien, fais du cresson, fais ce que tu voudras. Mais mes arbres, personne n'y touchera. Ah oui, c'est comme ça. Eh bien, on ira au jeu de pied. Et en attendant, je te retire la parole. Bon. Allez, va, Yonin, écoute, alors. Eh, laisse-le. Oh, tu te crois que ça me fait quelque chose, moi? Qu'il fasse ce qu'il voudra, qu'il me parle jamais plus. Et si tu veux un jour qu'il me voie y adresser la parole, c'est que je t'autorise de me cracher sur la figure. Allez, non, non, non, il n'y a pas de barre. Antonin, viens ici. Viens ici. Je ne suis pas sérieux.